Chapitre 2e, premier jour. Le réveil sonna à 7 heures. « Je suis sûr que j'ai rêvé », fut la première pensée de Christophe. Comme la plupart des gens, il était certain de rêver. Mais lui ne se souvenait jamais de rien, et ce manque l'énervait au plus haut point. Quand il était absent de chez lui, il enregistrait, ensuite il pouvait voir, il pouvait savoir. Si l'émission ou le film était sans intérêt pour lui, il abandonnait, mais il n'était pas déçu. Il savait qu'il n'avait rien raté. Ses rêves, il ne s'en souvenait pas, et il n'arrivait pas à s'y faire. Il y pensa à son réveil, mais impossible de retrouver quoi que ce soit. Il se disait qu'il devait mettre la sonnerie à 2 heures du matin. Peut-être, comme cela, serait-il surpris en plein rêve, avec une chance de se le rappeler. Pourquoi ne le faisait-il jamais? Quand ce besoin de savoir le prenait, il connaissait la parade. Il imaginait Marie se réveillant près de lui après une nuit d'amour. Il n'avait jamais passé une nuit entière avec elle. S'il en était désolé en contrepartie, il pouvait inventer et réinventer la scène. Il redécouvrait à chaque fois son premier regard, et ce premier regard était toujours différent. Une infinité de regards et une réserve inépuisable de tendresse. Il avait tellement envie de passer une nuit avec elle, et en même temps, il ne voulait pas imaginer comment se passerait cette nuit. Peut-être dormirait-il un peu. Fatalement, il rêverait. De quoi ? Le café était prêt. Il avait besoin d'une tasse de café bien corsée pour tenir la première heure. Il lui était aussi indispensable de prendre une douche chaude, de se raser et traiter ses cheveux pour son moral, sa lutte quotidienne et sans merci contre une calvitie naissante qu'il menait depuis quelques années. Un peu plus de 38 ans, célibataire, il occupait un 3 pièces somme toute plutôt confortable dans un immeuble moderne de standing. Une fois fin prêt, il prit sa voiture comme ces derniers jours et 20 minutes plus tard, il arriva au bureau. Aucun message urgent ne l'attendait. Pas de convocation intempestive du chef. Il se rendit comme d'habitude au bar du coin. « Salut Christophe, en forme ?» En lui tendant le journal du jour, c'était le chaleureux accueil de Christian, le barman. Ils étaient devenus des amis. Chaque matin, Christophe appréciait le sympathique petit déjeuner préparé et servi par Christian. Tu peux aller directement à la page des sports. Il n'y a rien d'intéressant dans les autres pages. L'ennui te guette. Cette plaisanterie du matin laissait Christophe de marbre. Chaque jour, il répétait à peu près la même chose. Tu sais, mon barman préféré, tout n'est pas écrit dans les journaux. Christophe s'intéressa aux nouvelles sportives et feuilleta le reste du canard. Ce n'était pas qu'il n'y ait rien d'intéressant, c'était que rien ne l'intéressait. Son petit déjeuner arriva en même temps que Martin, son coéquipier au commissariat. « Salut Martin. Le cocktail d'hier soir était comment ? Un demi de passion, un quart de technique, un quart de recherche, un zeste de nymphomanie. » annonça Martin en s'asseyant en face de lui. « Tu n'as pas dû t'embêter, dis donc ? S'exclama Christophe, intéressé. « Mais si, justement. Tu ne comprends décidément rien à l'amour, mon vieux Christophe. Il n'y avait pas l'ombre d'un sentiment, pas un souffle de tendresse, rien à mettre dans mon sac de souvenirs. » assura Martin, la main sur son cœur, très comédia d'Alarte. « Tu en veux trop. Non seulement tu veux compléter ta collection de conquêtes, mais aussi remplir ton sac de souvenirs. Tu es déjà la crémière. C'est vrai. » Mais c'est avant de séduire que j'ai envie de compléter ma collection, comme tu dis, de caresser son corps de femme, de sentir monter sa fièvre, de contenir la mienne, de lui donner du plaisir et d'en avoir. Là, je te retrouve. De ce point de vue, c'était génial hier soir. Nous nous sommes bien entendu dès le début, un vrai régal. Je suis crevé. Où est passé Christian ? J'ai besoin de café. Christian, beaucoup de café pour le séducteur, s'il te plaît, lança Christophe. Je remplirai mon sac de souvenirs la prochaine fois. S'il est trop lourd, tu ne pourras plus le porter, ajouta Christophe en lui montrant une grosse valise en cuir objet d'une publicité qui faisait toute la page du journal. Tu sais qu'il est vide, le mien. T'es un vrai salopard. Remarque, je me demande comment elle le tient. Il ne doit pas déborder, répliqua Martin en feuilletant le journal l'air distrait. Détrompe-toi. Le mien est rempli par Marie. Tiens. En ce moment, je pense à nos petits déjeuners. Je croyais que tu n'avais jamais passé de nuit entière avec elle. Exact. J'imagine ce qui se serait passé. Je ne sais pas quoi tu penses, mais tu mets du café partout. Et le mien, il vient ? Barman, Christian. Sans sucre, bien sûr, pour ta ligne. Très banale la conversation ce matin, hein ? Remarque, c'est reposant d'attaquer une rude journée dans ces conditions. Je sens qu'il va falloir solliciter notre matière grise aujourd'hui. Sans rire, vous allez réfléchir aujourd'hui, messieurs les inspecteurs. Ça tombe bien, j'ai fait ton café très fort, Martin. J'ai mis tout mon cœur. Christian, la cinquantaine, ayant résolu lui son problème de calvitie en se rasant la tête, porta la main à sa poitrine en faisant les yeux doux et en battant des cils. Très fin ça, hein Christophe ? Enfin, il fait le con de temps en temps, mais du bon café tous les jours. Un ange passa. Béa, Martin semblait revivre un épisode de sa nuit. Christophe, un geste tendre de Marie. Pas grand monde à l'intérieur. Il faisait beau et les tables à l'extérieur étaient presque toutes occupées. Je ne sais pas pourquoi je déjeune avec toi. Je serais bien mieux sur la terrasse. Il faut croire que tu apprécies ma conversation et ma compagnie, mon petit Martin. N'oublie pas que je suis ton confident et ton admirateur. Et puis, il fait un peu frais ce matin, non ? Évidemment, toi, à part en plein mois d'août à Nice. J'aime bien quand il fait un peu frais, le soir en été après une forte chaleur, quand je suis à la limite de frissonner, que la nuit est étoilée et que je suis dans le silence. Christophe laissa passer un temps avant de poursuivre. J'ai un pull près de moi et je sais qu'au premier frisson, je l'enfilerai. Un premier frisson souvenir d'une nuit, il y a bien longtemps. Un jour, j'irai assister à la représentation d'un opéra en plein air dans des arènes ou un théâtre à ciel ouvert. Je sais que je ressentirai la même chose. À part le silence, peut-être, dit Martin moqueur en regardant avec envie les tables ensoleillées au dehors. Je parlais de petits silences. Il me suffit qu'une voix s'élève dans la nuit et je suis à la limite d'avoir froid et de frissonner. Pourquoi n'y vas-tu pas aux arènes ? J'irai. J'irai avec Marie. Ah, évidemment, Marie. Toujours Marie. Tu sais, il a la vie aussi sans elle. Christophe baissa la voix comme à chaque fois qu'il parlait de Marie. Je ne peux l'imaginer. Et si elle ne veut pas aller voir cet opéra en plein air, tu n'iras pas ? Je n'ai pas envie sans elle. Il est quelle heure ? Il faut y aller maintenant. Bonne journée, Christian. C'est ça, change de conversation. Bon, allons-y, de toute façon, je ne te comprends pas. Ils sortirent. La terrasse était maintenant bondée. Bonne journée, mes poulets, rigola affectueusement le barman. Le commissariat était calme. Il était moins bruyant depuis l'arrivée des micro-ordinateurs en remplacement des machines à écrire. Seules les sonneries intempestives du téléphone troublaient le calme ambiant. Les deux inspecteurs rejoignirent leur bureau et attaquèrent la journée sans enthousiasme, en flics consciencieux cependant. Environ une heure plus tard, passé à peu de choses, la voix forte de Graziani, l'inspecteur en chef, résonna dans le couloir. « Christophe, Martin, le chef veut nous voir tout de suite. » Le commissaire Bernard Giramond, dit BG, les attendait dans son bureau capitonné. Il paraissait contrarié. Peu de papiers traînaient sur sa table de travail, fait rare, qui sentait le départ en vacances. Christophe en était certain, un tel rangement ne pouvait signifier qu'une proche relâche. J'avais trois dossiers à boucler avant de partir en vacances, et j'en étais venu à bout. Je pouvais même les fignoler car je pars dans une semaine. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis des mois, et voilà, alors que je m'apprêtais à partir. Un meurtre, oui, un meurtre. Une sale affaire, qu'il faut éclaircir avant mon départ, sinon mes vacances sont foutues. Je ne peux même pas les décaler. Nom de nom. 3 mois de préparatifs avec ma femme et mes filles. Un circuit culturel en Grèce. Ça ne s'improvise pas. Pfff. Il se calma. Vous connaissez la Grèce, Carpol ? Non, commissaire. Moi, vous savez, en dehors de la Côte d'Azur. Et vous, Martin ? Oui, un peu. J'avais une copine grecque et... Vous êtes sur quoi en ce moment ? Rien d'important. Je termine les statistiques du semestre. Je dois aussi entendre des commerçants cambriolés. Et vous, les stages ? Je suis sur les vols du quartier des musiciens. Ah oui, c'est vrai. Vous en êtes où ? Il approfondit la piste de l'indic. Il va falloir être un peu patient, monsieur le commissaire, indiqua Graziani. D'accord, mais pas pour ce meurtre. Un meurtre, vous vous rendez compte ? Un meurtre ? Pas un règlement de compte entre truands, non ! L'assassinat d'une jeune femme. Cela faisait 4 ans qu'il n'y avait pas eu de crime dans cette ville. 4 ans ! Je m'en souviens comme si c'était hier. Trois femmes assassinées en 15 jours, un vrai cauchemar, et 3 mois pour coincer le sadique qui avait fait cela. PG était effondré dans son fauteuil. On ne l'avait jamais vu dans cet état. Il avait horreur des meurtres de femmes, sans doute parce qu'il en avait 3 chez lui qu'il adorait. Il s'inquiétait pour elle. Il leur avait téléphoné dès qu'il avait su, pour vérifier leur emploi du temps et les mettre en garde. Les gens costauds sont parfois les plus vulnérables. Peut-être parce que leur force physique n'a pas rendu nécessaire de développer une force morale de la même taille. Ils supportent facilement les premières attaques, mais sont fragiles sur la longue route. BG, fragile. Cette idée fugitive traversa l'esprit de Christophe et se dissipa dès que le commissaire se leva. Il était impressionnant dans son costume bleu sombre bien coupé. Seule sa cravate rayée en soie un peu de travers sur son col de chemise un peu ouvert dénotait son agitation intérieure. « Vous allez me traiter cette affaire en priorité absolue. Vous laissez tomber tout le reste pour le moment. Vous avez 1 semaine au maximum. 1 semaine, compris ? Je veux un rapport tous les matins à 8h30 dans mon bureau et oubliez tout de suite que le samedi et le dimanche sont des jours différents des autres. Graziani vous donnera les premières informations que nous ayons et vous irez sur place aussitôt. Des questions ? » Le ton ferme et décidé de BG n'était pas vraiment propice aux questions. « Pourquoi nous deux ? » demanda Lestage. « Parce qu'il s'agit d'une femme. C'est votre rayon, les femmes, Martin, non ? Et puis les sadiques sont des intellectuels. Vous êtes un intellectuel, Christophe, non ? Et c'est vous qui avez arrêté ce salopard il y a 4 ans. Graziani est pris par un tas de paperasses. Hein, Graziani ? Et je dois lui passer le témoin pour la semaine prochaine. Alors les gars, j'attends de vous une routine efficace, de la réflexion, de l'imagination. En un mot, du professionnalisme. Je me suis laissé dire que vous êtes un chanceux, les stages. Je veux vous voir au rapport, ici demain matin, à 8h30 précise. Les stages excités et Carpel songeur regagnèrent leur bureau. Enfin une affaire qui sort de l'ordinaire. C'est la première depuis 3 ans que je suis ici, pas trop tôt. J'en ai assez des petits boulots. Mais pourquoi fais-tu la tronche, Christophe ? Mais parce qu'il y a un assassin en liberté et qu'il peut recommencer. Mais j'avais pensé à sa femme et à ses filles. Christophe pensait à Marie. L'idée qu'elle pouvait disparaître de cette façon ne lui était jamais venue à l'esprit. Maintenant, il ne pouvait s'empêcher d'avoir peur de la perdre, allant jusqu'à se reprocher ce qu'il avait pu dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire ces derniers temps. Tous ses manquements lui étaient revenus en bloc dans le bureau de BG. Pas de fleurs pour sa fête, défaut d'organisation, un coup de fatigue pendant leur dernier rendez-vous d'amour, elle lui avait dit que ce n'était pas grave. Et cette réflexion idiote sur l'une de ses robes, sans doute parce qu'offerte par son mari, lui avait-il bien dit « Je t'aime » la semaine dernière ? Lestage mit un terme à ses interrogations. « BG est pressé, moi pas. Nous allons prendre notre temps et bien profiter de chaque journée. » Martin s'assit, mit ses pieds sur le bureau comme dans les films, les retira aussitôt, se passa les mains, puis un peigne solide en ivoire dans l'abondante chevelure blonde d'un trentenaire resplendissant de santé. Il était très élégant ce matin. Jean de marque, blazer noir, chemise bleu ciel, le col ouvert. Grand et mince, le teint clair. Le contraste était saisissant. Christophe, plutôt petit lui, le visage mat des hommes du Sud et la malice plein les yeux. Non, faut aller vite. Il faut retrouver le meurtrier avant qu'il ne recommence, affirma Christophe. Et qui te dit qu'il va le faire ? C'est un risque que nous ne pouvons prendre. Imagine Martin que nous traînions et qu'il remette ça. Il peut recommencer demain. Tu ne t'imagines quand même pas l'avoir trouvé avant demain ? Non. Bon, d'accord. Je te propose de mener une enquête sans précipitation, mais sans flâner. As-tu pensé que sa prochaine victime pourrait être ta conquête d'hier soir ? Arrête, Christophe, tu n'es pas drôle. Je n'essaie pas de l'être. Savoure chaque heure plutôt que chaque journée. Il faut le serrer rapidement. Je me fous des vacances de BG, mais... Martin se leva. Allons voir Graziani, dit-il sans joie. Graziani n'avait pas l'air en pleine forme. Son col de chemise ouvert, sa cravate mal ajustée, l'attestait. La victime s'appelle Denise Doulade, dans les 35 ans. Elle habite 11, place Albert Camus, au 2e étage. C'est sa femme de ménage qui l'a trouvée il y a environ 1 heure. Un médecin, un voisin, je crois, est sur place. J'ai envoyé une équipe et le légiste. La victime n'est pas connue de nos services. Nous n'en savons pas plus pour l'instant. BG est nerveux. Il m'a transmis son stress. Allez-y, et foncez. Il prit la Citroën de Christophe qui conduisait vite. Doucement, je ne suis pas en train d'accoucher, lança Martin mal à l'aise. Je ne vais pas vite. J'ai constamment le pied sur le frein. Moi qui croyais avoir une voiture rapide. La mienne est sûre et me permet d'aller un peu plus vite que les autres. La place Albert Camus n'est pas à côté. Les collègues sont déjà sur place. Il ne faut pas traîner. Ils attendent notre arrivée. D'accord, d'accord. Mais regarde bien devant toi, s'il te plaît. Je te rappelle qu'il y a déjà eu un mort aujourd'hui. Deux traits d'esprit coup sur coup, dit donc Martin. Tu es en super forme ce matin. L'immeuble ancien, récemment rénové, haut de 4 étages, avait de l'allure et paraissait tranquille. Des voitures de police étaient garées devant. L'enquête commençait. Négligeant l'ascenseur, Christophe et Martin montèrent au 2e 4x4. La femme de ménage, une belle brune, probablement d'origine portugaise ou d'Afrique du Nord, la quarantaine, complètement bouleversée et affalée sur un siège, parlait à leurs collègues. Martin se dirigea vers les autres pièces. « Je devais venir demain matin. Mais la dame chez qui je devais aller aujourd'hui m'a demandé de décaler. Comme je sais que Madame Doulade a toujours du travail pour moi, je suis passé ici. » Ces mots hachés tombaient par rafales entrecoupées de sanglots. « Comment êtes-vous entré, madame? Vous avez les clés ?»« Oui, j'ai un double. » Madame Doulade avait confiance en moi. Mais la porte n'était pas fermée à clé. Oh la pauvre, elle était si gentille. Qui a pu faire une chose pareille, mon Dieu? Vous n'avez aucune idée? Non, je ne comprends pas. Quel malheur. Il y a quelqu'un d'autre ici? Le petit docteur du rez-de-chaussée. Je suis allé le chercher car je ne savais pas quoi faire. La femme de ménage conduisit Carpole dans la chambre. Il y avait du monde. Lestage en conversation avec un jeune homme grand et mince, portant des lunettes dorées en pantalon élégant, filet de présentation. Monsieur le docteur Trimmer qui habite l'immeuble. Mon collègue l'inspecteur Carpole avec qui je fais équipe. Je présume que tu as déjà posé les questions, Martin. Eh bien non, figure-toi, je t'attendais. Puisque tu es là. À votre avis, à quand remonte la mort, docteur? Cette nuit, probablement. Je ne sais pas bien, je n'ai pas l'habitude de ce genre de situation. Vous savez comment elle est morte? Elle a reçu plusieurs coups violents à la tête. Je l'ai examinée, elle a perdu beaucoup de sang. Il voulait vraiment la tuer. Le docteur retira une serviette posée à même le sol et montra une importante tache noirâtre sur le tapis. Vous la connaissez bien, docteur? Non, je la croisais de temps en temps. Je n'étais pas son médecin habituel, murmura-t-il. Une belle femme, me semble-t-il, avança Lestage. Oui, une belle femme, répondit le médecin penché sur le corps qui gisait devant lui. Vous n'avez touché à rien dans la pièce, demanda Christophe en faisant le tour du regard. J'étais très impressionné. J'ai peut-être touché quelque chose dans cette chambre. Je suis allé me passer de l'eau sur le visage. J'ai aussi rempli un verre d'eau au robinet pour boire. Le jeune docteur les regardait fixement à tour de rôle, étonné et perdu. Nous allons prendre des photos, des empreintes, faire l'état des lieux. Chaque détail peut s'avérer décisif. On ne le sait qu'après. Vous avez autre chose à nous dire, docteur? Nous nous reverrons probablement, en tant que voisins. Je suis incapable de vous dire quoi que ce soit de plus. Je suis remué. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de situation, en général. Je vois les morts nus sur une table ou dans leur lit. Nous nous reverrons plus tard. Pâle, le docteur s'éloigna d'une démarche mal assurée. Il est bouleversé. Pourtant, il ne connaît pas bien la victime, a-t-il dit, risqua Martin en examinant le corps de la femme. Il n'a sans doute pas l'habitude de voir des morts. Tu rigoles? Il a dû en voir des quantités pendant ses études. Sans doute bien plus que nous qui restons de marbre. Enfin, au moins en apparence. Je trouve sa réaction suspecte. Il se fiche de nous ou c'est une mauviette, ce mec? Eh bien, voilà le premier suspect. Mais pourquoi serait-il venu voir le cadavre de la femme qu'il aurait tué la nuit même et montrer ainsi son émotion à la police? Hein, Martin? Tu parles. C'est la femme de ménage qui est allée le chercher. Elle est bien roulée, tu ne trouves pas? Oui, mais à la place du docteur, je ne serais pas resté chez moi, après avoir fait une chose pareille. Pourquoi pas? Parce que l'inspecteur Carpole raisonne ainsi, le docteur devrait... Ça va, nous en reparlons. As-tu remarqué quelque chose de particulier? Après avoir examiné la chambre, plutôt romantique, avec l'alcôve turquoise, ressortant bien sur les murs clairs et nus, le grand lit garni de coussins jaune paille, de petites tables de nuit simples mais raffinées, de petites descentes de lit écrus, une coiffeuse à miroir et une commode à trois tiroirs, ces deux derniers meubles en bois cérusé. Martin répondit. Tout paraît bien en ordre, c'est nickel ici. Elle devait connaître son assassin. Tu vois autre chose? Laisse-moi respirer un peu, s'il te plaît. Martin se releva. C'est toi qui es pressé, non? L'atmosphère de cette chambre paraissait étrange à Christophe. Il n'avait rien dit à Martin, craignant que son collègue ne lui parle encore de son manque d'expérience, de son peu d'habitude de fréquenter les chambres des femmes. Il en connaissait une seule, l'écrin de Marie, son bijou. Il y avait passé deux après-midi seulement. La passion l'avait emporté sur la prudence. Merveilleux moment pour un amant. Il la connaissait par cœur, comme s'il l'avait apprise. Il pouvait la réciter. Il était très différent de cette chambre-là. « À quoi penses-tu, Christophe ?»« Rien de très précis. »« Ok. Je vais entendre la femme de ménage avant qu'elle ne se tire. »« D'accord. Moi, je vais jeter un coup d'œil dans les autres pièces. » Martin s'installa dans la cuisine, le seul endroit un peu tranquille. Une cuisine parfaitement fonctionnelle, moderne et bien rangée. Christophe arpenta les autres pièces, essayant de ne pas gêner ses collègues. En plus de la cuisine, de la salle de bain et des toilettes, l'appartement comprenait une autre petite chambre simple au mur clair avec un lit à une place, une petite armoire et un chevet d'un salon assez grand de style anglais avec un coin bibliothèque. La femme de ménage répéta à Martin ce qu'elle avait dit aux autres policiers. Elle semblait toujours aussi bouleversée. Aucun détail supplémentaire ne lui revint en tête. Elle redit 10 fois que Madame Dolade était une femme très gentille. Martin rejoignit Christophe qui feuilletait des livres. « Toujours des réflexes d'intellectuel, hein ? Quelle équipe nous formons, la tête et les jambes ? Elle possède des super bouquins, tu sais. Regarde cette collection de livres de peinture. Je n'aurais pas dit les jambes. Très spirituel. Dois-je noter autre chose, chef ? Je ne sais pas ce qu'il faut noter. Je trouve la chambre un peu étrange. Pourquoi ? C'est une chambre de femme qui aime faire l'amour, et sans doute avec des partenaires différents. Oh, tu en es sûr ? Bah oui, chef. Vas-y, raconte et arrête avec ce chef. Je ferai ton éducation plus tard. Je commence à voir la dalle. Tu me connais, quand j'ai l'estomac vide. Quelle heure est-il ? Déjà 12h30 ? Oui. Le malaise te guette à ton âge. Il ne faut pas plaisanter avec ces choses-là. Joignant le geste à la parole, Christophe prit Martin par les épaules comme pour éviter qu'il ne s'effondre. Merci de ton soutien. Allons vite déjeuner. Nous discuterons à table. « Aujourd'hui, c'est le jour de ton aïoli. Nous avons juste le temps d'y aller. » Des journalistes les attendaient dans la rue. Ils auraient dû s'en douter. Un crime les intéresse toujours au plus haut point. Les affaires criminelles font vendre du papier. La presse est souvent informée rapidement. En l'occurrence, par qui ? La femme de ménage, un policier, un témoin ou l'assassin ? Cette dernière hypothèse était peu probable, mais Christophe nota mentalement de vérifier ce point. La victime a-t-elle été violée ? Non, sans doute pas, répondit Christophe, qui s'institua porte-parole avec la bénédiction de Martin, moins expérimenté, et qui ne se sentait pas très à l'aise dans ce rôle. Nous devons attendre les résultats des analyses pour l'affirmer. Quand a-t-elle été assassinée ? Avez-vous une piste ? L'enquête démarre seulement. Comment voulez-vous ? Christophe les regardait sans détour l'un après l'autre pour montrer qu'il maîtrisait la situation. Y a-t-il eu vol ? Il n'y a pas de trace de vol. Nous en saurons davantage plus tard. Le tueur va-t-il recommencer ? Il n'y a aucune raison de le penser. Devez-vous nous dire à nos lecteurs de faire attention ? Non, pas particulièrement. Quand aurez-vous du nouveau ? Le commissaire Germont se charge-t-il lui-même de l'enquête ? Il la suit de très près. Pouvez-vous nous prendre des photos à l'intérieur ? Vous savez bien que non. Christophe esquissa un geste pour signifier qu'il leur avait tout dit. Vous avez participé à l'enquête il y a 4 ans ? C'est vous ? Oui, c'est moi. Vous avez une bonne mémoire. Christophe et Martin se dégagèrent des journalistes et s'installèrent dans la Citroën. Le restaurant n'était pas très loin et ils furent en 10 minutes et s'y attablèrent. Ce luxe de déjeuner tous les midis ainsi leur coûtait assez cher. Ils bénéficiaient en général de tarifs intéressants en raison de leur fidélité, à moins que ce soit de leur métier, mais ils ne voulaient pas penser cela. C'était leur plaisir de faire de bons repas ensemble. Et ce goût commun de la bonne bouffe avait favorisé le développement de leur amitié. Martin avait aussi beaucoup appris de Christophe. Autour d'un bon repas, les langues se délient. c'est la vertu du plaisir partagé. Ils avaient leurs habitudes avec une quinzaine de menus types et une douzaine de restaurants qu'ils fréquentaient régulièrement. Aujourd'hui, c'était l'Aïoli. Christophe avait réussi à faire aimer à Martin ce plat méridional qu'il ne connaissait pas. Les jours d'Aïoli, Christophe ne voyait bien sûr pas Marie et Martin se reposait de ses conquêtes. Il faisait beau, c'était mieux pour cette spécialité. Ils ne discutèrent pas de l'affaire. Ils parlaient rarement boulot avant la fin du repas. L'atmosphère ne s'y prêtait pas, surtout après ce meurtre horrible. Ils burent peu, mais bon, selon leurs habitudes. Au café, Christophe demanda. « Pourquoi ta remarque de tout à l'heure? Pourquoi plusieurs partenaires ?»« À cause du rangement de la chambre. »« Tout était impeccable, tu n'as pas remarqué ?»« Et puis il n'y avait aucun objet très personnel, aucun objet dont tu ne te souviennes, seulement de l'utile. » »« C'est vrai, c'est ça qui a dû me frapper. » La chambre de Marie doit sans doute être très différente. Christophe vida sa tasse. Oh oui. C'est une femme qui devait avoir plusieurs partenaires et qui ne voulait pas prendre le risque de se planter en confondant un objet de l'un ou de l'autre. Tu crois? Le plumard avait l'air sympathique et fonctionnel. Je l'aurais bien essayé. C'est quoi un lit fonctionnel? Assez grand et confortable, où l'on ne se marche pas dessus. Christophe souriait. Ah bon? Enfin, je me comprends. Elle est sympa ta chemise, tu l'as achetée où? C'est un cadeau. Elle a du goût. Tu en doutais? Martin fit signe au garçon pour l'addition. Faudra essayer de savoir qui a prévenu les journalistes. On ne sait jamais. L'après-midi, ils entendirent les autres occupants de l'immeuble, sauf le médecin et la femme de ménage déjà vus. La victime était peu connue de ses voisins qu'elle ne fréquentait pas. Elle sortait peu et recevait régulièrement la visite d'hommes. Martin semblait avoir raison. En recoupant les différents témoignages, il avait été possible de reconstituer un signalement assez précis de trois visiteurs habituels. Il y avait un homme corpulent, la quarantaine, toujours habillé en costume sombre. Il attendait toujours l'ascenseur et ne prenait jamais les escaliers. Il venait en moyenne deux fois par semaine. Il y avait aussi un homme bien plus jeune, un beau grand garçon qui restait plus ou moins longtemps et qu'on disait être un parent. Ses visites étaient irrégulières. Il y avait aussi un homme plus âgé, la soixantaine, qui, lui, passait régulièrement la nuit chez la victime. Et puis il y en avait un que personne ne peut décrire, quelqu'un d'ordinaire, habillé comme tout le monde, que l'on ne croisait pratiquement jamais, mais que plusieurs locataires avaient cru apercevoir ou entendre. Si c'est lui le tueur, ça va être coton. Ne t'inquiète pas, Martin, nous allons vite récupérer d'autres informations. Si tu le dis. Cette femme avait plusieurs amants, c'est certain, j'en ai compté quatre. Rien d'extraordinaire, mais ça complique les choses. Pas sûr, c'est aussi un avantage. Plus il y a de personnes qui connaissent la victime, plus nous aurons d'informations. Il va falloir interroger tous ces mecs. Encore faut-il les identifier. Nous connaissons déjà le nom du gros, Philippe Marchand. Il faut vite trouver le nom des trois autres. Tu t'en charges? Ok, et toi, tu fais la sieste? L'intellectuel va relire les témoignages. Bon, aujourd'hui nous avons tout l'après-midi pour travailler. Pas de polissonnerie, hélas. Il n'a pas de chance, l'assassin, le jour de l'Aïoli. Ils se mirent au travail. Martin utilisa beaucoup le téléphone et Christophe se plongea dans la lecture des témoignages. Il se concentra si fort qu'il ne pensa pas trop à Marie. Une telle chose ne lui était pas arrivée depuis longtemps. Il ressortit le dossier de la dernière affaire de meurtre sur laquelle il avait travaillé pour se remettre dans l'atmosphère d'une enquête criminelle et y passa sans doute trop de temps ayant du plaisir à revivre ce succès. Martin s'absenta pas mal de temps et réapparut triomphant. « J'ai deux autres noms. Le plus jeune s'appelle Gilles Marceau et le vieux Charles Quentin. Il me manque l'homme invisible. Eh bien moi je n'ai pas beaucoup avancé de tout l'après-midi, j'en ai peur. » Christophe referma le dossier qu'il consultait. « Tu les convoques ou nous allons les voir ?» demanda Martin. « Nous verrons demain. La nuit porte conseil. Tout ça va mûrir, ne t'en fais pas. » Et nous avons de quoi faire le rapport à BG. Tu as raison, je me tire, j'ai du sommeil à récupérer. À demain, chez Christian. Il faudrait y être un peu plus tôt, pour avoir le temps de discuter avant d'aller voir BG. D'accord, je vais essayer de faire un effort. À demain, Martin. Une rude journée nous attend. Pas de fatigue inutile cette nuit si possible. Mais j'ai des besoins, moi, monsieur, affirma Martin, en s'appliquant pour mettre son blazer. Mais cette nuit, c'est repos de toute façon, tu le sais bien. Tu en as très souvent, Martin. Comment fais-tu pour être toujours en forme? Question d'entraînement. En fait, ça vient tout seul. Il suffit d'essayer. Et tu trouves facilement de nouvelles partenaires. Question d'expérience et de carnet d'adresses. C'est facile quand on connaît la musique et qu'en plus on est beau gosse. Encore faut-il apprendre. Une simple question d'observation et de volonté. Chacun de nous peut séduire celle qu'il a choisie. C'est vrai pour les hommes et aussi pour les femmes. Patience, volonté, douceur, élégance, et l'affaire est dans le sac. Encore ce sac. Moi je n'en suis pas si sûr. Tu as tort, Christophe. Crois-moi sur parole, on en reparlera. Bof, je n'ai pas envie d'en parler. Je t'expliquerai quand même. Inutile, laisse tomber.